Baghdad ou... Baghdad ou suivant. Jamiloun. Jamiloun. Kabiroun. Kabiroun. Akbarou. Naam. Akbarou. Mujtahidoun. Tawiloun. Tawiloun. Kaslanou. Kaslanou. Tullab. Tullabou. Tullaboun. Fukaraou. Naam. Aliyoun. Aliyoun. C'est à toi, ça. Pakistanou. Ammaroun. C'est quoi Ammar? طيب عمار خلنا طيب سيارات سيارات برونزي لورا بوك سا فاز نعم احمر احمر هذه خمسه دون شيني اسماعيل هان اسماعيل باريس باريس بابون بابون قلمون قلمون مدارس مدى مدى Ah, d'ailleurs, j'ai cru entendre un tanus, c'est pour ça, Madari, c'est très bien. Judda. Judda, tout. Naam. Mafatihou. Mafatihou, très bien. Madarasatoun. Mal'anou. C'est-à-dire plein. Makatibou. Naam, makatibou. Qariboun. Qariboun. Oussamatou. Oussamatou. Oussamatou. Naam. Al-kalimatou, al-jadidatou. Finjal, jam' fanajil, c'est-à-dire des tasses. المدرسة جمع مدارس إيكول المسجد جمع مساجد مسكين نعم الدقيقة جمع دقائق مينوت قال دي قالت دي طيب المنديل جمع منادل مشواق المفتاح جمع مفاتيح كلي أبيض بلون أحمر روج أخضر فيغ أسود نوار أزرق بلو أصفر جون On va s'arrêter là et demain on fera la leçon 23 Bidnil Nataïb. Barakallahu fikoum.